La journée doucement sur les collines, près de ce qu'il avance, le regard qui s'incline. Le vent caresse la cime des arbres, la nature s'éveille, le combat se prépare. Les ombres s'effacent, la paix fragile, mais la lutte continue, chaque instant utile. Les bases se dressent, solides et fières, la team s'organise, prête à faire taire. Les émeraudes, mais rien ne freine, dans ce monde dur, chaque jour est une scène. Les murs s'érigent, bois grince fort, chaque pierre posée est un pas vers l'effort. Les voix s'unissent sous un ciel clair, près de ce qu'il chante, empli de lumière. Le grind persiste, la foi en bandoulière. Dans la forêt dense, rien n'est imaginaire. Le vent porte nos espoirs sincères, unis dans la lutte, liés par la terre. Lumière de l'aube, le combat s'élance, allez ce qu'il feu éclaire les visages tendus, mais la foi est là, jamais perdue. Les batailles marquent nos cœurs, chaque jour est une lueur. Les cœurs battent au rythme des jours, les voix s'élèvent. Cette lutte, on tient la voix. Sous la pluie ou le vent glacé, la force persiste, jamais cassée. Le vent se lève, la foi grandit, les tambours battent, la lumière suit. Le combat grandit, la flamme brûle, jamais ne s'éteint. Radersky sourit, prêt à repartir. Dans ce sanctuaire, la lutte va grandir. Les sabots frappent, la forêt gronde, les voix s'élèvent, défiant le monde. Radersky mène, la team suit. Dans cette lutte, rien ne fuit. La victoire approche, la guerre persiste. Dans ce monde sauvage, tout résiste. Lumière de l'aube, le combat s'élance. Radersky guide la team en cadence. Chaque bataille forge nos destins. Dans Rust, la survie. S'élève, unis et fiers pour la victoire envers et contre la terre. Le soleil monte, la forêt s'éveille. Dans le stream, une nouvelle bataille s'émerveille. Radersky avance fier et droit. Dans ce sanctuaire, la lutte continue.